chemise en couleur qui attire ton regard. Connaître tes envies, entretenir l'espoir, agir avec pertinence pour raccourcir la distance. Si t'aimes la musique, te parler de Mozart, m'emballer pour Jagger ou te le faire croire. D'entrer dans ton existence pour 20 minutes avec toi, à caresser les étoiles. J'imagine n'importe quoi, des scénarios idiots. Ces 20 minutes avec toi ne laisseront pas de traces. Marx ou Rimbaud, devenir éloquent, aller à l'opéra, faire l'intéressant, bannir toute défaillance pour raccourcir la distance. M'inscrire à l'UMP si c'est ça le bon plan, cuisiner japonais, teindre mes cheveux blancs, pas la moindre négligence. Me rapprocher en silence pour 20 minutes avec toi, à caresser les étoiles. J'imagine n'importe quoi, des scénarios idiots. Ces 20 minutes avec toi ne laisseront pas de traces. Gêneront l'avenir, quitte à tricher, quitte à souffrir. Mais quel beau souvenir! Seuls les oiseaux seront témoins, et les buissons ne diront rien si l'on s'égare sur le bord d'un chemin. Me tatouer les piercings pour paraître plus beau, aller au cinéma pour voir Sophie Marceau, jouer de la guitare, avoir des biscottos, m'abonner au musée, visiter des expos, simuler l'intérêt pour le théâtre, non.